Deux chiens. Deux vrais amis, deux chiens arrêtés dans la rue, causaient, s'entreplaignaient du départ des beaux jours, ceux qu'on nomme l'enfance et qu'on rêve toujours. Cette aurore si vive et si tôt disparue, ô jeux sans esclavage, ô festins enchantés. Par tout ce qui s'en va, vous êtes regrettés. On ne connaît chez vous de maître qu'une mère. Et cette ambitieuse est facile à servir. Le bonheur du plus faible est sa seule chimère. C'est à force d'amour qu'elle veut asservir. Les deux chiens en pleuraient. Les chiens ont-ils une âme? Ce qui les fait penser, est-ce un peu de la flamme? Qui me lui, Dieu le sait? Ils pleurèrent d'abord, grincèrent au présent et s'attristèrent fort. Puis celui qui des deux aimait encore à rire, cria « Nous sommes fous, je suis prêt à l'écrire ». Rappeler au bonheur devrait être un plaisir. Le bien qui fut mon frère est plus sûr qu'un désir, et nous le déplorons à nous rendre malades. Nous regardons la vie avec des yeux troublés. Le soleil est-il mort? Les deux sont-ils voilés? Nos pieds sont-ils au fer? Courons, mon camarade. Vous m'égayez toujours, répondit le moins heureux, le moins libre, je pense, et le moins amoureux, dont la condition semble seule adoucie par l'honneur d'être chien d'un lord, et par l'anneau qui ferme avec un secret d'or sa cravate en cuir de Russie. Oui, mon frère, touchez-la, nous sommes un peu fous, mais je veux dès demain l'oublier avec vous. Nous recevrons demain, je veux dire mon maître, l'hôtel sera bruyant, voulez-vous le connaître? C'est là, venez demain. Mais pour y pénétrer, ne vous fourvoyez pas, laissez d'abord entrer les parents, les amis. Par un orgueil étrange, mon maître pour les siens jamais ne se dérange, car mon maître est très noble et ne leur doit qu'un pas. Mais lorsque vous verrez dans les premiers appâts une belle, une fleur, de son frêle équipage s'élancer en oiseau sur le bras de son page, entrez sans vous courber, sans craindre les refus. Quand mon maître la voit, mon maître n'y voit plus, et de rire un landau roulant vient les distraire. La porte s'ouvre. Adieu, je vous quitte, mon frère, car on siffle après moi. Quand il revient des champs, mon maître autour de lui veut avoir tous ses gens. Castor pressant le pas médite sa parure. Il n'avait de 6 mois démêlé sa fourrure, car mon maître est si pauvre et si peu glorieux, et si laborieux, l'artisan voit sitôt la fin de sa journée. Qu'il pèse le moment comme un riche l'année, du luxe leur grenier n'offrait pas le tableau, et Castor se baignait quand il tombait de l'eau. Il en cherche ce soir, on ne veut pas déplaire, on égaye un festin d'une robe plus claire, et sans l'anneau doré de ses frères les lords, il lava sa misère, elle fut belle alors. Quand il sortit laver, les chiens du voisinage, une blanche levrette à l'avril de son âge, qui déjà le voyait d'un œil humide et doux, accourut pour savoir, ils accoururent tous. Il conta sa fortune à l'amante modeste, et puis plus bas, ce soir, je vous dirai le reste. » La tremblante levrette entendit ses adieux, le salua pensive et le suivit des yeux. Ce jour gros d'une fête éclate d'espérance. Il revêt pour Castor sa plus rose apparence. Il va cueillir ses fruits au toit de l'amitié, et du bonheur qui mange à prendre la moitié. Tous les gardiens sont hors de la cuisine, ô joie. La broche tourne seule, on flaire, on peut choisir. L'eau leur en vient du cours et prêt à s'en saisir, ils dansent autour de leur proie. Elle est lourde et brûlante, il faut la partager. Ciel, si près du plaisir, pourquoi donc le danger? Laissez-leur ce bazar dont l'odeur les enchante. Point, dans l'hôtel en vain, l'on s'énivre, l'on chante, l'orage couve et gronde. Un marmiton hideux et prompt comme la mort s'élance au milieu d'eux. Il épargne Pollux, qui hurle et qui se nomme, et jette au vent Castor, l'indigent gastronome. Tournoyant et troublé, mais retenant ses cris, Castor tombe au milieu des chiens errants surpris, qui, rassemblés en club à la porte fermée, mangeaient plus noblement leur pain à la fumée. Regarde avant d'entrer par où tu peux sortir. Malheureux, rire avec les heureux, c'est mentir.